Imaginez un monde où tout le monde se noterait à tout moment et où cette note déterminerait notre position sociale. Imaginez un monde où l'on pourrait, après la mort d'une personne aimée, la faire revivre numériquement en analysant toute sa vie sur les réseaux sociaux. Imaginez encore un monde où une vedette virtuelle de télé-réalité vulgaire et stupide est élue président des États-Unis. Ce monde-là, c'est le monde de la série britannique de SF dystopique Black Mirror, à moins que ce ne soit déjà le nôtre. Black Mirror, quand la technologie vire au cauchemar, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous emmener dans ces méandres d'un univers parallèle où la technologie, loin de nous libérer, nous a durablement asservis et avoir, qui sait, un aperçu de ce qui nous attend après-demain, voire demain, voire tout à l'heure, eh bien nos carons numériques sont aujourd'hui Romain Nigita, bonjour. Bonjour. Confrère de France Inter, journaliste spécialiste des séries, auteur avec Alain Carazé de Séries Anatomie, le 8e art décrypté, c'est aux éditions Fantasque. Et bonjour Laurent Salard qui vient de s'installer. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes sociologue des usages numériques, chercheuse à l'université Paris 3 IRCAV. Mais avant de plonger dans ce cauchemar technologique qui nous guette au coin de la rue, elle est notre lueur d'espoir, la lumière qui nous guide dans les ténèbres de l'ignorance. C'est Zoé Sfez pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. C'est moi, bonjour. Le Journal des Sciences. Et pour commencer, le premier dossier cette semaine est consacré aux analgésiques et aux antidouleurs, avec deux études Zoé, hein, deux études importantes parues cette semaine sur la question. Et tout d'abord, cette étude très alarmante menée par des chercheurs de l'INSERM qui révèle que la prise soutenue d'ibuprofène chez les hommes entraîne un important déséquilibre hormonal. Cette étude publiée cette semaine dans la revue PNAS est née d'un constat de plus en plus de jeunes hommes sportifs, athlètes de haut niveau bien sûr, mais pas uniquement, on parle aussi des amateurs, coureurs de marathon, qui prennent très régulièrement de fortes doses, hein, pas énormes mais fortes, d'ibuprofène en prévision de compétitions importantes. Or le coordinateur de cette étude, il s'appelle Bernard Gégou, il est directeur de recherche à l'INSERM et directeur de la recherche de l'école des hautes études en santé publique. Il avait déjà montré lors de précédents travaux un déséquilibre hormonal important chez les fœtus mâles dont les mère avait pris de l'ibuprofène. Pour comprendre ce qu'il en était chez l'adulte, il a réalisé un essai clinique qui impliquait 31 sportifs volontaires qui prennent quotidiennement deux comprimés de 800 mg d'ibuprofène par jour. Et donc, voici les résultats. L'hypophyse produit une hormone qu'on appelle la LH. Et cette LH a pour fonction spécifique de stimuler la production de testostérone. Et quand, dans une condition normale, la testostérone est en quantité insuffisante, eh bien, la baisse des niveaux de testostérone induit une production accrue de LH. C'est ce qu'on appelle une boucle de régulation entre donc les testicules et l'hypophyse. Là, ce qu'on a observé, c'est que les niveaux de la LH étaient très très élevés dès 15 jours de cette prise d'ibuprofène, ce qui dénotait une situation où probablement, et expérimentalement on a pu le prouver, le testicule était à la peine pour produire la testostérone et solliciter beaucoup la production de LH. C'est ce qu'on appelle un hypogonadisme, hypo parce que le testicule a du mal à fournir sous l'influence de l'ibuprofène, compensé, hypogonadisme compensé, parce que l'hypophyse compense. Or ça, c'est un tableau clinique qui est observé chez environ 10% des hommes âgés et qui, s'il perdure, peut basculer dans ce qu'on appelle l'hypogonadisme primaire, c'est-à-dire que l'hypophyse n'arrive plus à suivre. Bernard Gégou qui appelle donc les sportifs à cesser la prise soutenue d'ibuprofène sans réelle nécessité médicale et qui appelle surtout à développer la recherche sur notamment les femmes et les sportives. Deuxième étude, celle-là moins inquiétante que la première, Zoé, sur la question de ces antidouleurs. Aux États-Unis, des chercheurs tentent de mettre au point des analgésiques opioïdes, mais qui ne seraient pas addictifs, ceux-ci. En effet, il y a urgence car aux États-Unis, la prescription de ces antidouleurs est passée de 70 millions au début des années 90 à 200 millions au début des années 2010. Les opioïdes qui interagissent avec au moins 4 récepteurs basés sur les cellules du cerveau permettent évidemment d'annihiler la douleur mais entraînent aussi des effets secondaires qui vont de la nausée à l'hallucination jusqu'à la dépendance sévère ou la mort par dépression respiratoire. Aujourd'hui, la FDA estime que 90 Américains meurent chaque jour d'une surdose d'opioïdes. Donald Trump l'a déclaré la crise des opioïdes, urgence sanitaire. L'étude publiée dans la revue Cell la semaine dernière présente une forme d'espoir, celui de développer bientôt des opioïdes sans dépendance ni effet secondaire. Brian Roth est neurobiologiste à l'Université de Caroline du Nord. Il y travaille grâce à la protéine kappa. Le récepteur kappa est connu comme l'une des principales protéines qui interagit avec les opioïdes. On la connaît depuis les années 60-70. Et plusieurs médicaments, comme le pentazocine, l'un des opioïdes les plus prescrits, interagissent avec le récepteur kappa. Donc on l'avait identifié comme l'une des principales cibles des agents analgésiques. Mais on savait aussi que les médicaments qui interagissent avec kappa ont des effets secondaires, moins lourds que lorsque d'autres récepteurs sont impliqués, mais non négligeables, comme des hallucinations. La littérature scientifique de ces 15 dernières années a ensuite montré qu'il y a plusieurs voies de signalisation cellulaire activées par kappa au contact des opioïdes. Certains permettent la réduction de la douleur, d'autres causent les hallucinations. Notre but est donc de voir comment on peut dissocier ces deux activités. Et la meilleure façon de le faire était d'identifier la structure moléculaire de kappa. Nous y sommes parvenus et nous sommes capables de filtrer des milliers de composants par ordinateur pour mettre sur pied un analgésique ciblé, plus sûr et de manière bien plus rapide que si nous faisions des tests composant par composant au tube à essai et qui prendraient des mois. En bref, un nouveau revers dans les traitements contre la maladie d'Alzheimer. L'idalopyrdine, une molécule jugée prometteuse contre cette maladie, n'a pas montré l'efficacité escomptée au cours d'une série d'essais cliniques dont les résultats ont été publiés ce mardi dans le Journal of American Medical Association. Une semaine plus tôt, le géant pharmaceutique américain Pfizer avait annoncé qu'il mettait fin à ses recherches coûteuses sur la maladie d'Alzheimer pour utiliser les fonds sur d'autres maladies. Stanislas Dehaene a été nommé à la tête du nouveau conseil scientifique de l'éducation nationale. Ce psychologue cognitiviste, neuroscientifique français, qui est déjà membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France à la chaire de psychologie cognitive expérimentale, sera d'ailleurs demain l'invité de Caroline Brouet dans les matins du samedi, à qui il parlera de sa vision du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et les problèmes de salinité dans la mer Noire à cause du réchauffement climatique. Une étude qui est parue mardi dans Nature Communication révèle que les hydrates de méthane, qui ont l'apparence, la consistance de la glace et qui cimentent les sédiments marins, sont en cours de déstabilisation dans la mer Noire du fait de l'évolution de la salinité de cette mer Noire, qui était un lac il y a encore 9 000 ans, ce qui pourrait provoquer des importants glissements sous-marins. Deuxième sujet cette semaine, le Parlement européen doit se prononcer la semaine prochaine sur le développement de la pêche électrique et deux ONG accusent la Commission européenne d'avoir manipulé des conclusions scientifiques sur cette question. La pêche électrique qui est une pratique qui consiste à envoyer des décharges dans le sédiment afin de capturer plus facilement les poissons plats qui y vivent et donc méthode contre laquelle des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, Marielle de Sarnez se sont élevées dans une tribune publiée cet après-midi par Le Monde. La pêche électrique est interdite, il faut le rappeler, par l'Union européenne depuis 1998, mais des dérogations ont été accordées par la Commission européenne à partir de 2007. Et à l'époque, la Commission s'était appuyée sur l'avis circonstancié rendu par le Comité scientifique, technique et économique européen des pêches, que la Commission avait présenté comme favorable. Or aujourd'hui, deux ONG, dont l'association Bloom, accusent en fait la Commission d'avoir falsifié cet avis, comme l'explique son directeur scientifique Frédéric Lemanac. On a mis quand même quelques temps à trouver ce texte-là, et quand on l'a trouvé, on s'est rendu compte que c'était pas du tout les recommandations de ce groupe de scientifiques. Eux, ils étaient opposés à l'octroi de dérogation parce que à l'époque, il y avait pratiquement pas de recherche qui avait été faite sur la pêche électrique. On savait déjà que ça avait des impacts colossaux parce que par exemple, la pêche électrique est utilisée depuis des dizaines d'années pour capturer les poissons en eau douce, et on sait que ça a des impacts par exemple sur la survie des œufs ou sur les larves. Mais il n'y avait pas de recherche encore qui avait été faite dans le milieu marin. Donc eux, c'était vraiment avec un principe de précaution. Ils ont dit, on ne connaît pas l'impact de la pêche électrique dans le milieu marin, donc on est opposé à l'octroi de toute dérogation. Donc la Commission européenne, dès le départ, dès 2006, a eu une décision totalement corrompue en utilisant un avis scientifique détourné. Depuis, il y a par exemple des recherches qui ont montré que les cabillauds qui étaient capturés avec l'électricité avaient la colonne vertébrale fracturée et qu'ils avaient des hémorragies internes. Donc c'est quand même des chocs électriques qui sont assez importants pour arriver à briser la colonne vertébrale d'un poisson. D'autres études ont montré que les vers ou les crevettes avaient le système immunitaire qui était mis à mal et que donc ils étaient beaucoup plus sensibles à des virus ou à des bactéries qui vivent dans le sédiment. Donc on a quand même quelques études scientifiques dont les conclusions sont très négatives. Et ensuite, il y a tout un pan de recherche qui manque, puisque les seuls à faire de la recherche sur la pêche électrique, c'est les Néerlandais, puisque ce sont les seuls à pratiquer cette méthode de pêche. Et donc, ils vont pas faire de la recherche pour montrer que électrocuter un œuf ou électrocuter un juvénile, c'est négatif pour l'œuf ou le juvénile. En bref, encore plus de glace que ce que l'on pensait sur Mars. Mars recèle de multiples dépôts de glace hors des zones polaires et parfois à seulement 1 ou 2 mètres de profondeur, nous révèle une étude parue hier dans la revue Science et qui se base sur des données recueillies par Mars Reconnaissance Orbiter qui a été lancé en 2005 par la NASA. Cette glace, qui paraît relativement jeune, pourrait aussi révéler l'histoire climatique de Mars qui nous reste toujours à élucider. Le premier nanosatellite du CNRS va être mis en orbite tout à l'heure. Oui, une fusée indienne doit mettre en orbite dans quelques heures, quelques minutes maintenant. 31 CubeSats, ces fameux nanosatellites d'une dizaine de centimètres de long. Parmi eux, il y a donc PicSat, développé par le CNRS, très peu cher, très simple à concevoir. Sa mission, étudier la jeune étoile Beta Pictoris B. Et pour terminer, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, une grosse envie de loto, un bon petit sniff et ça va mieux. Oui, on avait une petite thématique addiction ce vendredi, Nicolas Martin. Hein, voilà, bon, on aime bien. Et bien, des chercheurs finlandais ont annoncé lundi qu'ils allaient lancer une étude unique en son genre pour mesurer l'efficacité d'un spray nasal. C'est un spray nasal contre l'addiction au jeu de hasard. Vous avez envie de l'auto, vous êtes excité par un cheval qui va courir sur la piste et là, petit grattage. Vous lancez votre spray. Un petit grattage au tabac, surtout les grattages. Ouais, les grattages, c'est très vicieux. Eh bien, ce spray contient du naloxone, un traitement d'urgence des overdoses aux opiacés qui permet d'agir sur la production de dopamine. Vous le connaissez, c'est ce neurotransmetteur qui est lié au plaisir et qui semble jouer un rôle central dans les addictions, dont celle du jeu. Ce spray agit en quelques minutes et chaque volontaire, il y en a 130, pourra utiliser son spray pendant 3 mois. La moitié d'entre eux recevra un spray placebo. Donc la question, évidemment, reste de savoir si ça fonctionnera. Et avec peut-être la possibilité pour moi de retourner enfin un jour au PMU. Merci beaucoup, Zoé Suez. On vous retourne la semaine prochaine. La méthode scientifique. Nicolas Martin. C'est un OTNI, un objet télévisuel non identifié qui apparaît sur les écrans britanniques de Channel 4 le 4 décembre 2011. Un écran noir, des lettres blanches numériques qui se forment et l'écran se brise, vous venez de l'entendre, dans un claquement sec. Lorsqu'apparaît le titre blanc sur fond noir, Black Mirror, déformé donc par la brisure du verre, comme si notre propre écran de télévision s'était brisé. Premier épisode, première saison, le Premier ministre britannique, s'il veut sauver la princesse Susanna de la famille royale, est sommé par les ravisseurs d'avoir un rapport sexuel en direct à la télévision nationale avec un porc. Pour un premier épisode, on peut dire que Black Mirror met les pieds dans le plat et dit tout de suite quelque chose de la violence sociale qu'il va nous infliger, Romain Nigita, tout au long de ces saisons. Et c'est typique du style de Charlie Brooker, qui est le créateur et scénariste principal de cette série, parce que Charlie Brooker, c'est pas juste un scénariste de série télé, c'est vraiment un pamphlétaire, un satiriste de la télé britannique. Il a aussi bien été journaliste en presse écrite que réalisateur de documentaires, des documentaires qui critiquent la télé elle-même, notamment une série qui s'appelait How TV Destroyed the World, comment la télé a détruit le monde. Donc il faut bien se mettre en tête que ce type-là, c'est un peu comme ce qu'on avait en France avec des gens comme dans les années 70, comme Jean-Yann ou Pierre Desproges. C'est quelqu'un qui est là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière sous toutes les formes possibles. Et c'est vraiment ce qu'il fait avec Black Mirror, en attaquant à la fois la télévision, la technologie et le rapport des gens aux réseaux sociaux notamment. À la différence de Jean-Yann, Charlie Brooker n'est pas vraiment un rigolo, parce qu'on peut, on va évidemment ne rien spoiler, on dit divulgâcher en français des épisodes de Black Mirror. On peut tout de même dire une chose, Laurent Salard, c'est que dans Black Mirror, on rigole pas vraiment et ça se termine rarement bien. Oui, c'est un peu le miroir grossissant et l'envers du décor de nos usages déjà existants ou alors de propositions technologiques qui sont en cours de développement. Donc c'est un objet non identifié dans l'histoire des récits. Parce que ça se présente comme de la science-fiction, mais finalement, c'est plutôt une sorte de caricature ou de miroir grossissant, mais côté justement en noircissant le trait, d'usages qui sont plus ou moins en germe ou déjà là, donc ce qui donne l'impression qu'on conjugue au futur, mais finalement le présent, d'où l'impression de l'expression, enfin d'où cette expression qui revient souvent, c'est on se croirait dans Black Mirror, parce que d'une certaine façon Black Mirror c'est déjà là, il est déjà, et c'est un petit peu la malice de la série et aussi sa limite, parce que d'une certaine façon ça fait croire que c'est dans à venir, alors que c'est déjà là. Et résultat, comme l'imaginaire des techniciens est en grande partie imprégné de science-fiction, en présentant ce jour dystopique de la technologie et comme ça imprègne l'imaginaire des développeurs, bah, d'une certaine façon, les propositions technologiques s'engagent plutôt sur cette voie dystopique finalement. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, Laurent Salard, qu'il y a une sorte de pensée créatrice dans Black Mirror, c'est-à-dire qu'en présentant ce présent futur, je sais pas très bien comment l'appeler, ce présent sur le point d'aboutir, qui est vraiment juste là au coin de la rue, Black Mirror finalement est en train de l'écrire en même temps qu'il le propose. Exactement, c'est d'ailleurs un peu comme le western, quand l'histoire était à peine refroidie de la conquête de l'Ouest, a déjà finalement écrit la légende, c'est ce que disait donc John Ford, voilà, imprimer la légende, et on a l'impression voilà que Black Mirror imprime la légende d'une réalité qui est là, qui est vive, qui est émergente, et donc c'est voilà, ça aussi son intérêt, ce qui fait son succès, mais ça aussi sa limite et ça pose des tas de questions. Et dans une interview récente, Charlie Brooker expliquait que finalement tout ce qu'ils avaient décrit dans les saisons précédentes était en train d'advenir, et il se dit mais on devrait plutôt montrer une start-up que d'écrire des séries, on serait beaucoup plus riche, parce que finalement, tout ce qu'on a raconté, mais ce qui est normal, puisque c'est presque une prophétie autoréalisatrice. Alors, parce que là moi, j'ai résumé brièvement à grands traits le premier épisode qui est plutôt une critique du rapport à la télévision, au direct, avec ce petit côté un peu cynique qu'on retrouve et qui est pas étranger à l'esprit, à l'atmosphère de la série, c'est que les deux premières saisons Black Mirror sont produites par une filiale d'Endemol qui est le grand créateur Roman Gita de la télé-réalité. Exactement, et Charlie Brooker ne s'est pas privé de critiquer la télé-réalité déjà même avant Black Mirror. Il faut savoir que juste avant, il a fait une série qui s'appelait Dead Set, qui était une histoire d'invasion de zombies, et les seuls qui survivaient à cette invasion étaient les candidats enfermés dans le loft, dans le Big Brother anglais, et c'était le vrai Big Brother avec les vrais décors, les vrais animateurs, diffusé sur la vraie chaîne et produit par le véritable Endemol. Donc c'est quelque chose, une mise en abîme qu'a leur faire Charlie Brooker. En effet, il brocarde vraiment plusieurs fois la télé, au-delà même de la technologie. Donc en effet, dans ce premier épisode avec ce chantage, il y a un autre épisode dans lequel c'est les systèmes de jury façon Nouvelle Star qui sont brocardés dans une version futuriste où une jeune fille va participer à un télécrochet du futur absolument horrible, va finir plus ou moins star on du porno. On a dit qu'on ne racontait pas la fin des épisodes Roman Gita, on va se fâcher avec nos éditeurs. Donc on donne les pitchs, mais on ne raconte pas comment ça se termine, tout en disant que ça se termine rarement bien, mais parfois ça se termine bien, donc la surprise est entière. En effet, Charlie Brooker a un petit peu un cœur d'artichaut dans les saisons récentes, il a écrit des épisodes un peu plus romantiques, un peu plus positifs, c'est ce qui fait un peu la différence entre les deux périodes de la série, parce qu'il y a une période, on va dire, britannique, les deux premières saisons, la série s'était arrêtée à ce moment-là, et elle a été reprise quelques années plus tard par la plateforme Netflix, qui constatant que les anciens épisodes marchaient très bien auprès de leurs abonnés, se sont dit, tiens, on va en financer des nouveaux. Et c'est dans cette nouvelle fournée qu'on a des épisodes un peu plus lumineux, on va dire. Ce qu'il faut raconter de Black Mirror, peut-être un mot, Laurent Salard, quel est le point commun, le trait, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Black Mirror n'est pas une série au sens où on l'entend le plus communément aujourd'hui, c'est-à-dire que ce ne sont pas des épisodes qui se succèdent avec les mêmes personnages, c'est une anthologie. Mais quels sont les points communs, les fils qui réunissent ces épisodes entre eux, qui font que cette anthologie est cohérente selon vous? Comment est-ce qu'on pourrait le décrire pour les auditeurs qui ne connaissent pas la série? Donc c'est moi c'est plutôt sur l'aspect moins télé-réalité que ce qui m'intéresse, que plutôt justement tout ce qui est innovation technologique, numérique, réseaux sociaux, etc. Ce qui est l'essentiel des épisodes. Oui, oui, aussi, oui. Enfin, surtout dans les deux, mis à part la première saison. Et donc voilà, donc c'est l'idée de mettre en avant justement tous les mauvais usages ou les mauvaises tendances. Et donc c'est vraiment ce Black Mirror, ce miroir noir de nos usages, qui évidemment met en avant les questions de surveillance, les questions de rapports homme-machine qui sont toujours présentées comme des rapports de domination. Là, il y a un épisode assez intéressant avec une lutte avec un drone. Voilà, donc cette idée dans vraiment. Dans la dernière saison, dans la saison 4. Voilà, cette idée, voilà, qu'on est dans cette vision des rapports entre l'homme et la technique comme étant extrêmement négatifs, souvent au détriment de l'humanité, que l'humanité se trouve machinée dans, par exemple, dans ses sentiments avec tous les épisodes sur les relations amoureuses. Donc voilà, c'est vraiment le côté vraiment obscur finalement des technologies numériques, des réseaux sociaux numériques et de leurs usages. Et ça nous parle d'une certaine façon parce que ce sont un peu les craintes quand on fait de l'enquête sociologique, ce sont un peu les craintes qui vont être émises en fait par les usagers, la question de l'addiction, la question de la surveillance, du rapport aux écrans, le contrôle parental. Les parents sont très inquiets du rapport aux écrans, la place que prend que prennent les écrans. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des écrans qui sont parfois implémentés, puisque il y a ces puces qui permettent d'avoir accès directement au cerveau, donc à la mémoire, et donc c'est finalement le cerveau écran qui est aussi mis en scène. Voilà. Il y avait une petite annonce pour publicitaire entre guillemets, enfin un panneau, une image qui circulait pour annoncer Black Mirror, avec toujours ce fond noir, le lettrage, le petit message très simple qui est The future is bright, donc le futur est lumineux, et on voit dans un coin un enfant avec une tétine complètement isolée dans le noir face à un ordinateur, face à un écran, et le coin de l'image est cassé. Ça veut dire qu'on renoue aussi, et c'est ce qui est certainement intéressant avec Black Mirror, dans une époque où la science-fiction c'est le space opéra, où on renoue avec de la SF intergalactique, Star Wars, Marvel, etc. Là, on reprend pied dans une science-fiction critique, politique, qui a vraiment une vocation de critique sociale extrêmement acerbe. C'est quelque chose qu'on a souvent justement dans le format anthologie que vous avez cité. C'est quelque chose qui était très populaire dans les années 50-60 avec des séries comme La Quatrième Dimension ou Au-delà du réel, qui était vraiment une série américaine de science-fiction. Et cette critique via la science-fiction d'un présent très proche ou d'un futur très proche, c'est aussi quelque chose que pratiquent beaucoup les Britanniques à la télévision depuis des années. Au début des années 70, il y a une série anglaise qui s'appelait Doomwatch, qui en fait suivait un groupe de scientifiques qui surveillaient les problèmes qui se produisaient dans l'environnement. Des virus relâchés dans la nature, des mutations, des choses comme ça, mais ça se passait de nos jours. Donc les Britanniques ont toujours cette culture-là d'observer ce qui se passait autour d'eux avec ce petit pas de côté pour avoir en effet une dramaturgie, sinon c'est un documentaire. Mais c'est quelque chose que la télévision britannique pratique depuis des années, y compris via des séries qui peuvent paraître un peu plus fantastiques, un peu plus space opéra, comme Doctor Who, des épisodes de Doctor Who qui se passent sur Terre de nos jours et qui montrent comme ça des petites déviances de la technologie. Donc finalement, avec cette série-là, Charlie Brooker s'inscrit dans une tradition, la télé britannique, à laquelle il ajoute justement son humour très noir, son cynisme, qui va donner justement ce vernis très particulier à Black Mirror. Et dans une tradition littéraire, puisque l'anthologie, c'est bien un genre auquel la science-fiction doit beaucoup, sont les anthologies qui ont permis de définir certains codes, certains univers. On peut penser à Mozart en Vermiroir pour le cyberpunk, par exemple. Vous diriez, Laurent Salard, que Black Mirror est une série politique avant d'être une série de science-fiction, une série dystopique? C'est-à-dire que la SF a vocation sociale, justement, d'émettre une critique en un peu comme le polar et d'une certaine façon un genre littéraire qui est souvent utilisé pour émettre une critique sociale. La SF conjugue au futur finalement un présent qu'elle problématise et qu'elle met en critique, et donc la SF a une vocation critique. Et donc c'est une science-fiction qui est toujours par nature en effet criticiste, mais moi j'aime beaucoup cette série au plan esthétique, au plan formel, mais je trouve qu'elle a des limites parce que justement elle nous aujourd'hui dans ce moment d'innovation technologique, elle nous confine à ce rôle de spectateur de la critique, et donc c'est d'une certaine façon un peu paradoxal que de s'adonner à ce plaisir de voir nos usages critiqués, de les regarder tel un spectacle, et ça nous rend doublement impuissants. C'est-à-dire que c'est cette idée, voilà, ces technologies sont développées pour des usages qui sont problématiques, regardez comme c'est problématique, prenez du plaisir à regarder votre propre addiction ou à regarder vos fantasmes de surveillance parentale se réaliser, et donc on peut se complaire dans ce spectacle de la critique, et c'est là là où je pense que la science-fiction, qui a quand même un poids justement dans l'innovation technologique, parce que les acteurs qui développent sont abreuvés de ces récits, et donc ça a des effets tout simplement sur ce qu'on invente, hein, et sur ce qu'on propose en termes d'innovation technologique, et donc ça a des effets sur le réel, et c'est pour moi un peu problématique, et c'est là où la limite politique intervient, parce qu'aujourd'hui on peut faire d'autres types de technologies, on peut inventer d'autres scénarios d'usage qui ne sont pas forcément ceux du marché, notamment avec tout ce qui est le mouvement maker, do it yourself. Et donc, plutôt que de regarder et de se complaire à sa propre impuissance et d'être dans ce spectacle de la critique, on peut justement critiquer par le faire. Et ça, évidemment, comme la série reste un spectacle télévisé et que ça reste, malgré tout, de la fiction. Puis un spectacle univoque, un spectacle que l'on reçoit, avec lequel on n'interagit pas. Exactement. Donc voilà, c'est un peu sa limite. Et j'aime bien cette fiction, mais en même temps, je trouve qu'il ne faut pas non plus trop s'y complaire et se dire, voilà, ça critique, mais il y a d'autres façons de critiquer que simplement regarder et d'en faire un spectacle. Il y a un sadisme chez Charlie Brooker. On regarde Black Mirror depuis... depuis derrière les barreaux de notre propre prison, selon vous, Romain Nigida? Il est évident que Charlie Brooker, qui aime tant critiquer la télé et en faire en même temps, il y a en effet ce paradoxe de livrer un spectacle que lui-même critique. Et lui-même s'amuse en effet à partir de technologies existantes et à se dire, voilà, si on l'élargissait au monde entier, qu'est-ce que ça donnerait? C'est vraiment ça. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer il y a 2 mois pour une interview qu'on a diffusée sur France Inter. La fameuse interview dans laquelle il parlait de déposer des brevets plutôt que d'écrire des épisodes. Et à un autre moment dans cette interview, justement, il m'explique que lui, la plupart du temps pour les épisodes, il part pas du tout de personnages qu'il aimerait mettre en scène, il part d'une idée en discutant avec ses collaborateurs, avec la productrice Annabelle Jones notamment, en disant, il y a Uber dans laquelle on note, nous en tant qu'utilisateurs, on note les chauffeurs, et les chauffeurs nous notent nous. Et il dit, mais si on étendait ça à l'intégralité de notre univers? Vous ne pouvez pas me tendre de meilleures perches, puisque pour vous faire entrer, vous qui ne connaissez peut-être pas cet univers de Black Mirror, ce miroir noir du titre, qui est selon Charlie Brooker l'écran froid et brillant d'une télévision, d'un ordinateur ou d'un smartphone, eh bien nous avons précisément choisi de commencer par l'exemple que vient de citer Romain Nigita. C'est l'épisode 1 de la saison 3, Nosedive en VO, chute libre en français, dans une société où tout le monde est noté par tout le monde. Il faut certaines notes pour avoir certains privilèges, ou la dictature sociale imposée par les réseaux dits sociaux. Écoutez. Bonsoir madame, comment allez-vous? Merveilleusement bien, merci. Oh, je suis vraiment désolée, mais votre vol a été annulé. Non. Oh, je vois qu'il reste une place sur un autre vol pour un départ ce soir. Elle est réservée à nos membres privilèges. Il vous faut un minimum de 4.2 pour en bénéficier. Oh, ça tombe bien, c'est ma note. J'ai bien peur que vous n'ayez que 4.18. Désolée. Eh bien, ce n'est pas ma faute. C'est cette femme qui m'a mis une mauvaise note quand j'ai pris mon taxi. Vous m'envoyez désolée, mais je ne peux pas faire autrement, voyez-vous. Mais il ne me manque presque rien. Je n'y peux rien, madame, c'est le règlement. C'est pas la même. Non, mais madame, s'il vous plaît, surveillez votre langage. Pouvez-vous appeler votre responsable? Je n'ai pas le droit. Pouvez-vous appeler votre responsable? Je n'ai pas le droit. Je t'ai demandé d'appeler ton responsable. C'est du manque de respect. Nous ne tolérons pas le manque de respect. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas. Je dois m'occuper de cette dame, s'il vous plaît. Non, non, non, non. Laissez passer la prochaine cliente, madame. Non, non, trouve-moi un putain de vol. Je viens d'appeler la sécurité. Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je peux vous mettre la note maximale, et voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Intimidation et injure publique. Non, non, ce n'était pas de l'intimidation. J'essayais seulement de... Afin de restaurer le calme en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom de la sécurité de cet aéroport, je vais vous sanctionner par une pénalité d'un point, de façon temporaire. Non! Cette pénalité sera levée dans 24 heures. Rendez-moi mes points maintenant! Sachez que durant cette période, toutes les notes négatives seront doublées. Doublé. Nous vous recommandons également d'éviter d'attribuer des notes négatives. Vous me mettez en double peine? Je vous demande instamment de quitter cet aéroport. Merci. Voilà Bryce Dallas Howard qui joue cette jeune femme qui essaye de rejoindre, qui va être invitée au mariage d'une de ses amies qui est de la haute société, qui fait partie de ces gens qui ont une note supérieure à 4.5, et puis son voyage se transforme en cauchemar, sa note baisse inexorablement, et d'un seul coup, on ne vous raconte évidemment pas la fin, mais les choses ne se passent pas comme elle l'imaginait au début, une réaction à cet extrait. On voit bien, Laurent Salard, à quel endroit on se situe par rapport au présent dans cet extrait et dans cet épisode-là. C'est-à-dire... On est effectivement vraiment au coin de la rue, à un brin où on note les chauffeurs Uber, où on note le service de livraison, où on n'est pas très loin, on note l'antenne, on note les émissions en podcast par exemple, lorsqu'on les écoute. Tout doit être sanctionné par une note jusqu'à où ? Alors, c'est là où on voit un petit peu la mécanique fictionnelle de Black Mirror. Donc en effet, ils prennent un usage existant qui est l'évaluation de services et ils l'étendent à l'évaluation des personnes. Donc il y a ce switch finalement qui évidemment est un changement d'échelle puisqu'il ne s'agit plus simplement de noter un service rendu, donc quelque chose qui reste assez objectif, mais on va évaluer justement une personnalité, son comportement, etc. Et quand on interroge justement des utilisateurs d'Uber ou de BlaBlaCar, par exemple, cette question de la notation du chauffeur, parce que c'est un peu ça qui se passe, ou du conducteur dans BlaBlaCar, est toujours un moment un peu problématique. Et il y a des tactiques mises en place par les utilisateurs, par exemple, de BlaBlaCar, de se dire, ben voilà, je vais prendre des critères objectifs. C'est est-ce que, par exemple, celui que j'ai conduit est arrivé à l'heure ? Est-ce qu'il avait bien les bagages que j'avais indiqués ? Donc, on essaye d'objectiver, de finalement noter de la matérialité et pas justement de l'individualité, de la subjectivité. Et donc, voilà, le pas que fait cet épisode, c'est justement l'évaluation des personnes. Et une société qui s'organise autour justement de cette métrique sociale de la notation inter-individuelle. Alors, le problème que pose quand même cet épisode, qui est positif, hein, il y a une voie de sortie, je le dis tout de suite quand même sans spoiler. Il est quand même assez positif. Il essaye de nous faire croire que finalement, la société qui vient est une société qui va être stratifiée, hiérarchisée en fonction de ses métriques sociales, comme si la société que l'on vive aujourd'hui vivait aucunement justement des expériences de stratification, de ségrégation. Donc là encore, c'est politique, mais toujours d'une certaine façon aussi sans complètement au bout de la logique, puisqu'on nous fait croire que c'est par le numérique que s'invente une société stratifiée, alors qu'on part d'une société stratifiée. Le critère de notation d'un seul coup devient un critère de notation qui serait celui des réseaux sociaux et de celui de l'apparence et de la présentation des interactions sociales, de la présentation de soi, etc. Oui. Romain Nigeta, un mot sur cet épisode. On peut aussi peut-être un peu parler de la forme, de l'interprétation, de la photographie qui est importante dans Black Mirror et qui change à chaque épisode, puisque comme dans la plupart des séries télé anglo-saxonnes, en tout cas, le réalisateur change à chaque épisode. Celui qui donne l'unité, c'est plutôt le scénariste. Donc en effet, on se retrouve avec des ambiances différentes à chaque épisode. Et ce qui est en effet assez paradoxal dans cet épisode, Chute libre, c'est qu'on a une image très très lumineuse, très colorée, très pop, très pastel. Très pastel, oui. Qui est très douce et qui montre en effet l'apparence d'un futur absolument formidable, très optimiste, et dans lequel il y a ces rapports qui pourraient paraître très rationnels de noter les gens. Et en fait, plus on va avancer dans l'épisode, et plus ce futur va se salir, au sens propre du terme, parce que l'héroïne, sans trop en dire, va tomber en panne au bord de la route, donc sa belle robe va être tachée. Donc on a ce vernis qui va craquer exactement comme l'écran du générique. Mais ce que moi j'aime bien dans cet épisode, c'est justement l'idée que malgré tout, ce système qui paraît un système total, totalisant, c'est-à-dire toute la vie sociale est organisée autour de ces métriques, et bien malgré tout, c'est un système qui peut imploser de l'intérieur, où il y a de l'exit possible, c'est-à-dire on peut aussi en sortir, c'est-à-dire on peut le refuser. Et c'est vrai qu'il y a peu d'épisodes dans les différentes saisons où il y a cette possibilité de montrer que finalement cette imposition technologique peut être défaite et qu'il y a des possibilités de dire non, de résister. Et donc c'est un épisode assez optimiste. La mécanique est intéressante aussi parce que c'est la mécanique que l'on retrouve souvent à l'œuvre dans chacun des épisodes. Il faut préciser quelque chose aussi parce qu'on parle de Charlie Brooker, chose rare pour un showrunner de série, c'est lui qui écrit tous les épisodes, quasiment tous. Il n'y a qu'un seul épisode, The Entire History of You, qui n'est pas de lui, mais il a tout écrit ou co-écrit. Sur des séries courtes, c'est assez fréquent. Rod Serling, le créateur de La Quatrième Dimension, écrivait la plupart des épisodes et il en faisait 20 ou 30 par an. Et la plupart des showrunners de séries, même si leur nom n'apparaît pas au générique d'un épisode, la plupart réécrivent les épisodes. C'est le cas de Chris Carter sur X-Files, par exemple. Donc c'est finalement le rôle assez classique d'un showrunner qui donne sa patte à l'intégralité d'une série. Et ce que je voulais dire, c'est que dans cet épisode Nosedive, on retrouve quelque chose qui est une mécanique qui fonctionne et qui est répétée pas mal de fois dans les différentes saisons, c'est le grain de poussière dans les rouages. C'est-à-dire qu'on nous présente une société où finalement tous ces usages technologiques sont extrêmement bien intégrés et d'un seul coup, pour une personne, ça dysfonctionne. Ah oui, c'est ça. Mmh. Bah, l'image, quand vous disiez pastel, très lycée, un univers lycée, où justement tout va de soi. Et en effet, cette possibilité de pouvoir, comme dans l'épisode Interest of You, où il y a la possibilité de se débrancher finalement. Hein, donc il y a quand même, malgré tout, la mise en scène de moyens de sortie, de limitations. Et donc, c'est vrai que ce Black Mirror, parfois, il peut être brisé par les utilisateurs eux-mêmes. Mmh. Pour ce qui est de cet épisode et du lien avec notre réalité quotidienne, on appelle ça le rating, le fait de noter les gens pour un service rendu. Vous l'évoquiez, Laurent Salard, quand on note un service comme Uber ou comme une émission de radio, on note des gens dont c'est le métier qui sont rémunérés pour offrir ce service. Quand on note quelqu'un de Blablacar, c'est différent. On commence à trouver les limites, effectivement, en tout cas éthiques, qu'il peut y avoir à noter quelqu'un pour un service pour lequel il n'est pas ou peu rémunéré. Il s'avère que la Chine réfléchit à un système de crédit social qui a été annoncé par le gouvernement en 2014 pour être mis en place en 2020, qui repose exactement sur ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire attribuer aux citoyens, aux entreprises, une note de confiance sur la base de leurs engagements sociaux, de leurs comportements, notamment sur les réseaux sociaux, sur la route, sur leur respect du code de la route. Et le score obtenu permettra d'obtenir un certain nombre d'avantages sociaux qui ne seront ouverts qu'à partir d'une certaine note. Laurent Salard, ça veut dire que, pour le coup, c'est ce que disait Brooker, il est en train de créer la réalité, finalement, qu'il anticipe, est en train de se créer sous ses yeux. Il le disait, la première série date de 2011. Il y a des personnes qui regardent cette séance en disant « Ah, mais ça existe déjà, on a déjà franchi le cap, on a franchi la limite. » Oui, il y a un pouvoir réalisant de cette fiction qui est assez troublante. C'est pour ça que je dis que parfois, il faudrait peut-être arrêter de finalement mettre en dystopie un monde déjà dystopique. Cette dystopie au carré qui va inspirer des dictateurs et des pays totalitaires n'est pas quand même totalement réjouissante. Et c'est ce que je disais, c'est la limite de cette dimension. C'est un spectacle, mais... Qui a des effets dans l'imaginaire technicien, dans l'imaginaire social, et ça montre à quel point, justement, en effet, le pouvoir de la fiction est fort, et comment la mise en récit des technologies, des usages, fait partie intégrante de la technologie elle-même, que les représentations ont un poids extrêmement fort dans l'adoption des technologies, dans les possibles, les scénarios d'usage possibles, et c'est là où ça devient un peu plus, moi ça me questionne justement ce pouvoir de la fiction, et c'est pour ça qu'il y a cette je ne tends pas vers cette complaisance à ça me gêne quelque part, voilà. On disait tout à l'heure, Romain Nigita, c'est Black Mirror, c'est une anthologie, donc ce sont des récits indépendants. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas Black Mirror, vous pouvez commencer à peu près n'importe où, vous pouvez piocher le début, la fin, la saison 1, la saison 4, ça n'a pas d'importance. Si ce n'est qu'on quand même, on se rend compte au fur et à mesure que il y a des petits éléments d'un épisode sur l'autre qui reviennent, que Charlie Brooker petit à petit tresse un fil narratif et qu'on est dans un univers qui est un univers cohérent. Oui, il y a un épisode, sans trop en dire, de la saison 4, qui s'appelle le Black Museum, donc le musée noir, le titre est un peu transparent, dans lequel on se rend compte qu'en effet, on voit certains des objets qui étaient apparus dans d'autres épisodes précédents. Donc en effet, il s'amuse, je pense que c'est plus pour s'amuser qu'il fait ça, à dire, vous voyez, tout se passe bien dans le même univers, les personnages pourraient potentiellement se rencontrer, mais je ne pense pas qu'il ait en tête le fait d'unifier tout ça avec une quelconque théorie, parce que déjà, ça le limiterait finalement dans ces histoires. Parce que si tout se passait au même moment, il y a plein d'histoires qui ne marcheraient pas, certaines technologies existeraient, donc pourraient venir contrer une autre. Donc je pense que pour lui, il est plus dans le clin d'œil et dans son humour assez vachard. Deuxième extrait de cette série Black Mirror, selon moi l'un des meilleurs épisodes des quatre saisons, mais ça n'engage que moi bien évidemment. Imaginez le monde d'après, d'après les Google Glass, le monde des lentilles optiques qui enregistrent toute votre vie et qui externalisent, qui plus est, notre mémoire grâce à une puce implantée derrière l'oreille. Ce monde, c'est celui de The Entire History of You. Toute ton histoire en entier en français, si on devait le traduire. Retour sur image en version française. Respirez, sentez. Avec votre mémoire exhaustive, la mise à jour de la puce Willow est accessible pour le prix d'un ticket de métro et on vous offre 30 ans de sauvegarde gratuite. une simple anesthésie locale suffit pour l'installation de la puce intégrée. Parce que la mémoire, c'est pour la vie. Bon, génial, Liam, je suis vraiment très très content. Très sincèrement, nous espérons être impatients de vous revoir. Très sincèrement, nous espérons être impatients de vous revoir. Voilà, vous venez d'entendre un extrait de Retour sur image, saison 3, épisode saison 1 et pardon épisode 3. Vous venez d'entendre le personnage principal qui repasse, hein, grâce à ses lentilles et à son implant mémoriel derrière l'oreille, qui repasse l'entretien d'embauche qui vient de passer, qui vient de se passer très bien. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais petit à petit, eh bien, quand on est très jaloux comme lui dans son couple, eh bien, qu'on a accès à tous ses souvenirs objectivés en permanence, les choses se passent de moins en moins bien. Un mot, Laurent Salard, sur cet épisode, The Entire History of You. C'est un épisode qui vous plaît, qui vous intéresse? Disons que c'est intéressant, justement, sur une version complètement neuronale de ce qu'est la mémoire, parce que justement jusqu'à présent le souvenir se racontait, se mettait en photographie, justement donc il y avait une grande partie de notre histoire qui était finalement déposée dans l'histoire des autres, comme disait Paul Ricoeur, hein, donc c'était l'ipséité, hein, donc finalement autour d'un album de famille l'enfant pouvait se voir raconter son enfance, etc. C'était pris dans toute une série de récits, donc dans cette tradition de mise en scène de la mémoire, du récit de vie, du souvenir. Cet épisode est intéressant parce que voilà, on a une version complètement neuronale, comme si la mémoire n'était qu'affaire de circuits cognitifs qu'on pouvait avoir accès directement, sans médiation langagière ni formelle, etc., à justement l'activité du cerveau sous cette dimension mémorielle. Donc voilà, ça c'est assez typique justement de la façon dont aujourd'hui, en effet, une grande partie de l'innovation technologique autour notamment des interfaces, des brain interfaces ou de cette question d'enregistrement de l'activité neuronale, voilà. Une grande partie, il y a pas mal d'innovations autour de cette question, et elles sont en grande partie aussi nourries de cet imaginaire, de cette représentation assez limitative que finalement l'homme, l'humain ne serait qu'un cerveau. Et quand on entend le conseiller scientifique du ministère de l'Éducation, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il va plutôt éduquer des cerveaux sur la volonté citoyens. D'implémenter les neurosciences beaucoup plus. Exactement. Dans l'apprentissage, voilà. Des écoles primaires. Et on voit bien, voilà, ce réductionnisme un peu neuronal qui est mis en scène. Donc c'est intéressant parce que ça dit comme toujours, hein, beaucoup de voilà, de c'est un discours sur la société et voilà. On est tout de même un peu plus clairement on n'est plus dans le présent ou dans le futur immédiat, on est dans un futur un peu plus lointain, un peu plus science fictionnelle. Romain Nigita, dans cette votre avis sur cet épisode, votre regard? Ce que je trouve intéressant, c'est aussi le double sens du titre original, The Entire History of You. History, c'est l'histoire, mais c'est aussi l'historique. Internet, typiquement la fameuse histoire de la femme jalouse ou du mari jaloux qui va regarder l'historique de son partenaire, il dit tiens, il est sur tel site pour faire ça. Donc c'est aussi. Et là, il va pas regarder l'historique, il va regarder directement ses souvenirs. Il va regarder ses souvenirs, mais tout comme on peut se dire en voyant tel message d'un ami sur Facebook, pour ne pas le citer, tiens, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, et se faire toute une théorie sans même penser à aller demander directement à la personne. C'est un peu cette dérive-là à laquelle Charlie Brooker fait référence là-dedans, parce qu'il étudie très souvent donc les réseaux sociaux et le fait qu'on s'isole à travers ces technologies et qu'on, vous le disiez très bien, la mémoire, le souvenir, c'est aussi le langagier, c'est discuter aussi avec les personnes, plus que le pur factuel. Et là, on est sur quelqu'un qui part à la dérive parce qu'il reste sur le pur factuel et qui va être obsédé par une image qu'il croit objective alors qu'il lui manque une partie de l'histoire. Il y a une scène terrifiante d'ailleurs dans cet épisode où le couple fait l'amour et en fait ils sont tous les deux branchés sur le souvenir d'un autre moment où ils ont fait l'amour qui était censément le moment de l'extase suprême, et ils sont en train de faire l'amour comme des machines plongées dans leurs propres souvenirs. Laurent Salard, un mot là-dessus, oui, c'est très puissant quand même. Le réductionnisme neuronal, c'est justement cette idée que le cerveau humain est proche aujourd'hui d'un ordinateur, d'où l'idée qu'aujourd'hui on va plutôt développer ce qu'on appelle le cerveau artificiel, tout ce qui est intelligence artificielle. Donc c'est voilà, ce réductionnisme neuronal, il aboutit à ce genre de développement technologique autour du cerveau artificiel, ce qui nous amène à penser aujourd'hui le cerveau comme relevant finalement d'un ordinateur, étant très proche d'un ordinateur. Et donc on a évidemment toujours cette représentation, voilà, d'une machine qui devient un peu notre double et finalement qui avec laquelle on va d'une certaine façon être tout le temps en relation, d'une certaine façon être toujours en compétition, toujours en concurrence. Donc ça met en scène évidemment un univers machinique qui est un univers qui est à la fois le double de l'humain mais aussi son ennemi, et donc encore ça code la technologie comme étant finalement assez dominatrice et assez problématique pour les humains. Brooker dit la technologie n'est pas mon ennemi, hein. Il dit moi mon intérêt c'est de montrer comment notre esclavage collectif est en train de se jouer. Oui, parce que ce que montre souvent la série, c'est comment on se soumet à ces technologies, comment est-ce que, sans qu'on nous l'impose, on livre nous-mêmes toute notre vie sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on se laisse influencer pour les élections. On parlait de la notation tout à l'heure, mais aussi un épisode sur le vote, avec un espèce d'avatar virtuel qui se présente aux élections. Star de la télé-réalité qui s'appelle Waldo et que Brooker compare très officiellement à Donald Trump. Ah, c'est en revoyant l'épisode maintenant, c'est vrai que c'est assez bluffant. Donc en effet, ce que montre Brooker, c'est à plusieurs reprises, c'est comment nous soumettons de notre plein gré à livrer notre vie en pâture, les détails les plus intimes, tout comme on le fait sur les réseaux sociaux, puisque le fameux dicton le dit toujours, si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. C'est ça. Et c'est souvent d'ailleurs le point de départ de chaque épisode. Le point de départ, c'est un monde où tout a déjà été accepté, c'est-à-dire que tout a déjà été concédé. Laurent Salard, on a concédé notre liberté et il y a ce monde qu'on nous présente en général un peu parfait, un peu lisse, et puis comme je le disais tout à l'heure, d'un seul coup, le dérèglement et on voit l'autre côté, l'envers du miroir, l'envers de ce monde, et finalement l'esclavage auquel nous sommes réduits. Oui, alors c'est exactement, mais ça justement c'est l'intérêt de ce genre de science-fiction critique, ça nous montre justement finalement que si en effet on s'abandonne à l'exhibition sur les réseaux sociaux, si notre sociabilité est totalement prise en charge par des Uber, etc., voilà, quel monde peut advenir pour le coup. Donc c'est justement, on conjugue dans un léger futur ces usages qui sont plus ou moins existants ou qui sont émergent. Ça crée c'est un discours sûr, mais évidemment, comme il est mis en scène, il a un pouvoir, et puis ça reste du cinéma, etc., donc, enfin, ou de la série, mais ça reste quand même visuel, donc ça a un pouvoir quand même de réalisation, et ça, parfois, ça tient lieu de la réalité. Et pour beaucoup de quand on interviewe des usagers, souvent, ils vont vous dire, ils vont vous sortir un petit peu ce discours à la Black Mirror, cette doxa toute faite, en disant, bah oui, c'est addictif, c'est l'emprise, c'est la surveillance, etc., alors que même, ils ont des pratiques plutôt raisonner en fait, mais on a l'impression, voilà, que ça joue ce rôle en effet de miroir inversé, d'expérience limite, d'étalon vers lequel il ne faut pas aller. Donc ça joue son rôle malgré tout critique, mais ça reste, ça, comment dire, ça abonde dans une doxa qui est une façon de se représenter socialement les technologies comme potentiellement addictives, potentiellement problématiques vis-à-vis de la privacité, etc. Vis-à-vis de la vie privée. Pour la privacité. Allez, dernier extrait puisqu'il est bientôt 16h50. Imaginez donc un monde où, pour être sûr à 100% de protéger votre enfant à tout prix, vous lui implantez une puce qui vous permet, via un écran, non seulement de garder à tout moment contact avec lui, mais également de voir, à travers ses yeux, voire de modifier ce qu'il perçoit pour éviter de le soumettre à trop de stress ou à trop de violence. Ce monde, c'est celui d'Archangel, saison 4, épisode 2. Ceci est votre console parentale. Je vais la jumeler avec l'implant de Sarah. C'est prêt. Alors ça, c'est l'endroit où se trouve Sarah. Juste à côté de nous, bien sûr. C'est dingue. Si jamais elle disparaissait, il vous suffirait simplement de taper ici, d'entrer votre code PIN, et les forces de l'ordre seraient automatiquement averties. Ah, d'accord. Voici ses constantes. Excellent rythme cardiaque. Oh, je vois qu'elle est légèrement carencée en fer. Ensuite, tapez sur cette icône juste là, pour accéder à son flux optique. On voit ce qu'elle est en train de voir ? Tout à fait. Wow, c'est génial. Et on peut aussi appliquer le contrôle parental. Le contrôle ? On limite le contact. Si jamais elle assiste à un événement qui génère un stress et donc une augmentation de son taux de cortisol, l'implant va estomper ce qu'il aura déclenché. Je vous montre. Oh. C'est rien, regardez. Là, la scène provoque un pic de cortisol. Et ça... Filtre activé. C'est ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Wow, d'accord. Oui, je suis pas sûre que ce soit... C'est juste une option. c'est juste une option, mais qui va être activée finalement très vite. Et puis voilà comment un enfant grandit avec un filtre qui le coupe d'une partie de la réalité pour éviter de le stresser. Romain Nigita, votre regard sur cet épisode qui fait partie des bons épisodes de cette dernière saison 4. Même des très bons. Il y a quand même un élément très important à savoir pour encore plus apprécier l'épisode, c'est qu'il a été réalisé par Jodie Foster, l'actrice qu'on connaît, qui a joué notamment dans Le Silence des Agneaux, mais qui a également une carrière de réalisatrice. Et en fait, quand l'équipe de Black Mirror lui a proposé ce script, visiblement, ça a vraiment éveillé pas mal de souvenirs en elle, d'après ce que m'a expliqué la productrice Annabelle Jones. Il faut se souvenir que la carrière d'actrice de Jodie Foster a commencé quand elle était vraiment enfant. Dans Taxi Driver. Notamment dans Taxi Driver, ce qui en plus a eu des conséquences sur le monde réel, puisque l'attentat que tente de commettre le personnage de Bardo Niro dans le film a inspiré la personne qui a tenté de tuer Ronald Reagan quelques années plus tard, parce qu'il était lui-même fasciné par Jodie Foster. Donc elle a vraiment connu une enfance à la fois sous le feu des médias et totalement hors norme. Donc c'est aussi cet aspect-là, cette confrontation à la violence, à la fois au cinéma et dans la réalité, qui l'a marquée et qui a fait que ça a éveillé en elle ses souvenirs et le fait qu'elle aussi soit mère depuis quelques années. Donc en effet, elle a puisé là-dedans pour se dire, voilà, et si moi j'avais eu accès à cette technologie, soit pour mes enfants, soit pour moi-même quand j'étais gamine, ce qui fait que ça donne un épisode qui est touchant, qui est terrifiant sur la fin. Encore une fois, on ne dévoilera pas la fin. Oui. C'est assez glaçant et ce qui fait que, encore une fois, on n'est pas loin de la réalité qu'on vit aujourd'hui. On se dit, voilà, si on avait accès à ça aujourd'hui, comment est-ce qu'on se comporterait? D'autant plus que, comme dans la plupart des épisodes de Black Mirror, ça ne se passe pas dans le futur. C'est pas un univers dans lequel il y a des vaisseaux spatiaux, dans lequel ça se passe sur Mars ou autre. Ça se passe dans un univers qui est exactement même qu'aujourd'hui, hormis le fait qu'il y a cette technologie disponible. Il y a quelque chose d'intéressant dans cet épisode d'Archangel, Laurent Salard, c'est que pour la première fois de Black Mirror, Charlie Brooker met en scène une technologie dont, à l'intérieur même de la série, d'un seul coup, les gens vont dire « Tot, on est allé un cran trop loin ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cet épisode, la mère, on lui dit « Non, on peut plus mettre à jour le logiciel parce que ça vient d'être interdit en Europe et bientôt, on va arrêter de le produire aux États-Unis parce qu'on est allé un cran trop loin ». Mais voilà, malgré tout, l'histoire continue. Donc, il intègre dans cette saison 4, finalement, presque ce que vous décriviez, vous, comme pensée ou comme fiction autoréalisatrice du pouvoir de la science-fiction dystopique sur les créations technologiques. Oui, alors, qu'est-ce que ça grossit, justement, là? Quelle est la réalité technologique? C'est, d'une part, ce qu'on appelle les objets connectés qui permettent qui sont portée ou alors aussi implémentable de nous surveiller, ce qu'on appelle la quantification, soit la mesure de ses paramètres physiologiques, etc. Des peluches que l'on peut mettre dans la chambre de l'enfant avec une caméra intégrée pour pouvoir vérifier ce qui se passe. Voilà. Enfin, je veux dire, on n'est pas très très loin de ce qui se passe dans l'épisode, oui. Ouais, avec bon. Et évidemment, les usages, bien sûr, d'intersurveillance, notamment parentale. Et il se trouve qu'il y a eu un objet connecté qui s'appelait Mother, qui avait été mis sur le marché il y a 2 ans, qui proposait un petit peu ce type d'usage, c'était des capteurs de mouvement qui étaient connectés à une base qui avait la forme d'une poupée russe, donc qui était la mère bienveillante qui veille sur vous, mais enfin c'était une sorte de Big Mother qui était la partie un peu plus maternante de Big Brother, mais enfin voilà, c'était le même usage de surveillance familiale. Et donc dans le clip de promotion, on voyait donc un enfant dont la mère avait mis le petit capteur mouvement dans le cartable pour savoir s'il était bien rentré, qu'il ensuite le posait quand il rentrait à la maison sur la base pour savoir en effet s'il était bien rentré. Et là ça met le point sur un peu des usages qui existent par ailleurs, qui sont à un moment, en effet, il faut, à partir du moment où ces technologies sont aux mains de plus en plus des plus jeunes, les parents sont pris un peu d'une panique morale devant cette autonomisation, notamment par ces technologies, et donc vont chercher un peu à contrôler l'usage, à contrôler ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils s'expriment à travers les réseaux sociaux. Donc ça met vraiment en scène une réalité sociale qui existe déjà, des usages d'intersurveillance, parce qu'on parle souvent de Big Brother, mais le plus problématique dans la vie quotidienne, c'est ce qu'un anthropologue a appelé Little Sister, c'est-à-dire c'est la petite sœur qui vous stalke sur les réseaux sociaux, c'est votre mère qui essaie de voler votre téléphone pour voir ce que vous avez mis dans votre Snapchat, etc. Et c'est d'autant plus intéressant que le personnage principal, la mère, dans cet épisode, ça ne commence pas avec cette technologie étant vendue comme étant intégrée, etc. Pour le coup, elle est très proche du spectateur, c'est-à-dire qu'elle doute, elle y va parce qu'à un moment donné, sa fille disparaît dans un parc et elle a peur de sa vie. Il la retrouve quelques heures après. Mais donc du coup, elle est conduite à ça. Et comme on l'entendait dans l'extrait, quand la scientifique lui dit, ah bah, vous pouvez mettre le filtre pour que ça voile une partie de sa réalité, la mère dit, bah non, tout de même, je vais jamais le faire. C'est-à-dire que on voit comment Charlie Brooker nous montre comment on bascule, comment on concède finalement petit à petit, parce qu'effectivement, on est débordé par ces technologies, une partie de notre liberté, de notre libre arbitre, et finalement même de celles qui de celles et ceux de ceux qui nous entourent, comme le libre arbitre ou la liberté de nos enfants. Ouais. Alors c'est ce qui fait justement le pouvoir de la fiction, d'être ce laboratoire finalement où on expérimente, on éprouve, on joue à se faire peur en fait, vis-à-vis d'usages qu'on a plus ou moins déjà pratiqués, d'aller espionner les enfants ou d'essayer justement de contrôler leurs usages. Ça les pousse jusqu'au bout et donc c'est à ce côté un peu laboratoire hein, que jouera toujours la fiction. Et ce qui est intéressant aussi dans Black Mirror, ça fait quand même 4 saisons, donc ça accompagne en fait les développements des technologies et des usages. Donc c'est un peu comme les technologies sont un peu nos compagnons d'existence. Notre Black Mirror, ça devient un peu le compagnon aussi de nos existences connectées, mais sous son versant noir, un peu comme un laboratoire limite. Mais voilà, il y a ce côté avec la sérialisation un peu compagnonnage qui n'est pas inintéressante aussi. Quelque chose de très inquiétant, un dernier exemple, pour conclure, un très très bon épisode, saison 2, épisode 1, Be Right Back, à propos d'une femme qui a perdu son compagnon et une entreprise lui propose un système qui lui permet, en analysant toutes les traces numériques de son compagnon sur les réseaux sociaux, ses mails, etc., de créer une intelligence artificielle avec laquelle elle va pouvoir discuter via son téléphone. Eh bien, ce service existe. Il s'appelle Replica. Il y a un autre service qui s'appelle Eterni.me, qui sont des services qui proposent de reconstituer exactement, via une intelligence artificielle, la personnalité disparue à partir de sa trace numérique. Laurent Salaire, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'imaginaire technicien, il est calqué, il est forgé, inspiré par ce type de science-fiction, et donc notre présent devient dystopique. C'est voilà, c'est-à-dire que finalement, c'est pour ça que c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est le monde tel qu'il se développe est finalement en soi une réalité dystopique, et sa mise en fiction dystopique nous alerte en effet sur le fait que en effet c'est une dystopie. Mais on aimerait aussi voilà voir peut-être d'autres propositions comme je sais pas le solarpunk qui propose des fictions peut-être plus sur les aspects émancipateurs des technologies. Voilà, il y a d'autres genres qui existent aussi qu'on peut lire et voir. Pour conclure cette émission, Romain Nigita, si vous aviez un épisode à conseiller à nos auditeurs, dont on a parlé ou dont on n'a pas parlé d'ailleurs, lequel serait-ce ? Pour qu'ils comprennent vraiment l'intérêt, le style et le ton de Black Mirror, moi je pense qu'en effet, l'un des plus efficaces, c'est Be Right Back, celui dont on vient de parler avec cette personne qui ressuscite son compagnon disparu grâce à toute son empreinte sur les réseaux sociaux. Saison 2, épisode 1, donc. Hein. Exactement, ce qui fait dire à Charlie Brooker le fait que maintenant ça existe plus ou moins dans la vraie vie, le fait qu'on pourrait discuter avec soi-même, avec ça, il dit c'est un véritable cauchemar. Et votre préféré à vous, ça c'est le conseil, mais celui que vous préférez vous personnellement ? Mon préféré dans les plus récents, moi j'ai beaucoup aimé USS Callister, mais ça c'est parce que je suis un grand fan de Star Trek. Et ça a fait énormément référence. Saison 4, épisode 1. Et vous Laurent Salaire, pour un conseil pour les auditeurs, vous conseillez lequel pour commencer ? Le Black Museum, finalement c'est pour commencer, on a un peu justement le résumé des épisodes précédents. Le dernier épisode de la saison 4. Oui. D'accord. Et... C'est un peu le Black Mirror dans Black Mirror. Donc, c'est la poupée, c'est la Matryoshka. Et votre préféré à vous ? Ah oui, moi c'est celui-ci, oui. C'est celui-là, d'accord. Oui. Donc ça coïncide. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Laurent Salaire, merci Romain Nigita, je rappelle. Hein, votre ouvrage Séries Anatomie, le 8e art décrypté avec le brillant Alain Carazé aux éditions Fantasque. Et puis je vous invite évidemment à aller regarder Black Mirror sur Netflix. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Jean-Le Guilin-Meige.